So today also 8th of June year 2014 in evening section in 5 o'clock. I need to explain about the Vipassana meditation as real as we need to understand about our mind and body, how it's working in our life. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2014. Je vais vous parler aujourd'hui de la signification de Vipassana. Il est nécessaire de comprendre en quoi consiste réellement Vipassana, comment fonctionne réellement le corps et l'esprit, en quoi consiste réellement notre vie. Nous allons donc pratiquer au cours de cette semaine la méditation Vipassana, la méditation de la vision pénétrante, ce qui est l'essence du bouddhisme. Avant l'illumination du Bouddha, il y avait beaucoup de méthodes de méditation dans le monde et il y avait beaucoup de gens qui les pratiquaient. Après l'illumination du Bouddha, et donc après que le Bouddha ait compris l'esprit et la matière, ait compris comment tout cela fonctionnait, ait compris les causes et les effets, cette méthode est donc apparue, la méthode Vipassana. On peut donc dire que Vipassana, c'est l'essence de l'enseignement du Bouddha. Il faut également comprendre que le Bouddha n'est pas un dieu, ce n'est pas un créateur, c'est tout simplement un être humain. Le Bouddha n'était donc pas un dieu, c'était un être humain. Il avait donc des parents, il avait une épouse, il avait un enfant. Il était donc comme nous, mais il a réussi à comprendre en quoi consiste réellement l'esprit et la matière. Donc le Bouddha, le futur Bouddha est né en 623 avant Jésus-Christ, dans le nord de l'Inde, dans la région Népal. Son père était roi, et à l'âge de 16 ans, le futur Bouddha s'est marié. Il est devenu lui-même roi, il a régné sur son royaume pendant 13 ans, et pendant toute cette période, il a eu accès à tous les plaisirs possibles. À l'âge de 29 ans, il a renoncé à tout cela, et s'est rendu dans la forêt, comme ascète. Et avant de renoncer, le futur Bouddha a eu un fils, c'est Rahula, comme vous le savez. Il avait donc une épouse, il avait son père, et lui-même s'appelait à l'époque Siddhartha. Pendant toute cette période qu'il a vécu au palais, jusqu'à l'âge de 29 ans, il a donc eu accès à tous les plaisirs possibles. Il avait beaucoup d'intendants et pouvait faire ce qu'il voulait. Pourquoi donc s'est-il rendu dans la forêt? Pourquoi a-t-il renoncé à tout cela? Il y a une cause. Donc la vie du prince Siddhartha était différente de la nôtre. Nous sommes très souvent confrontés à la souffrance. Dans nos vies, il y a beaucoup de souffrance. Mais lui, en tant que roi, n'expérimentait pas la souffrance. Tout ceci lui était inconnu. Un jour, il quitta le palais et se rendit dans la ville. Et là, il fit une première rencontre. Il vit des personnes âgées, des vieux. Il demanda alors à son intendant qui l'accompagnait, « Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu cela. » Ah, lui répondit son intendant, « Ce sont des personnes âgées, c'est ce qu'on appelle la vieillesse. Et vous aussi, un jour, vous devrez devenir vieux. » Le futur Bouddha se demanda donc comment échapper à ce type de souffrance, à la vieillesse. Il réfléchit et un mois plus tard, il sortit de nouveau du palais de son père pour se rendre en ville. Et là, il eut une deuxième rencontre. En fait, ces rencontres n'étaient pas réelles, elles avaient été créées par des devas. Le futur Bouddha vit donc une personne malade. Il demanda à son intendant, « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et l'intendant lui répondit, « C'est une personne malade. Et les êtres humains sont tous sujets à la maladie. Vous aussi, un jour, vous tomberez malade. » Le futur Bouddha se demanda alors à nouveau comment faire pour échapper à ce type de souffrance. Le futur Bouddha chercha donc une méthode qui allait lui permettre d'échapper à la maladie. Un mois plus tard, il fit une troisième rencontre. Il vit un mort. Il n'avait jamais vu de mort précédemment. C'était la première fois qu'il voyait cela. Il demanda donc à son intendant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'intendant lui répondit, c'est une personne qui est morte. Et vous aussi, un jour, vous serez amené à devoir mourir. Le futur Bouddha comprit alors que cette souffrance était immense et qu'elle amenait énormément de chagrin et de lamentation. Il se demanda alors, pour la troisième fois, comment faire, que faire pour échapper à ce type de souffrance. Le futur Bouddha réfléchit donc à une méthode qui allait lui permettre d'échapper à la mort. Un mois plus tard, il fit une quatrième rencontre. Il vit un moine. Il n'avait jamais vu de moine précédemment. Il demanda donc à son intendant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'intendant lui répondit, c'est un moine, c'est un bhikkhu, c'est une personne qui a renoncé pour se mettre en quête de la libération. C'est une personne qui cherche à se libérer de la souffrance. Oh, se dit le futur Bouddha, c'est cela qu'il faut faire. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il a fallu au futur Bouddha pour atteindre la libération? Pendant combien de temps a-t-il dû faire cet effort de méditer? Moi aussi, se dit le futur Bouddha, je veux me libérer de la souffrance et donc je vais suivre l'exemple de ce moine. À 29 ans, imaginez-vous, ce jeune homme qui avait déjà un fils décide donc de quitter le palais de son père, de s'enfuir du palais de son père pour se mettre en quête de la vérité. Il avait les paramis et donc les vertus qui étaient développées et donc il prit cette décision de quitter le palais, il le fit la nuit et il se rendit dans la forêt pour commencer sa quête. Ce travail de recherche allait durer 6 ans. Imaginez-vous l'effort qu'il lui a fallu, le courage qu'il lui a fallu, car au palais il avait accès à tous les plaisirs, il avait beaucoup d'intendants, tous ses désirs étaient immédiatement satisfaits, alors que dans la forêt il n'avait aucun intendant, il était tout seul et il devait se débrouiller sans personne qui puisse l'aider. C'était donc un effort énorme qu'il devait faire. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des personnes qui avaient prédit que ce futur Bouddha allait connaître un destin exceptionnel. Certains autres ascètes entourèrent le futur Bouddha. Ce sont donc ses 5 premiers compagnons qui se sont occupés de lui. Ils ont donc pratiqué pendant 6 ans avec beaucoup d'efforts. Donc imaginez-vous ce futur Bouddha dans la forêt pendant 6 ans occupé à pratiquer dans des conditions extrêmement difficiles. Après 6 ans, il a réalisé le Dhamma que vous êtes occupé à pratiquer pour le moment. 2 mois après son illumination, le Bouddha réfléchit à tout ce qu'il avait obtenu comme connaissance. Il réfléchit à son illumination et aux efforts que cela lui avait coûté. Il comprit que ce ne serait pas facile d'enseigner tout cela aux autres, parce que ce sont des choses très compliquées. Il faut dire qu'à l'époque du Bouddha, le christianisme n'existait pas encore, l'islam n'existait pas encore, il n'y avait que l'hindouisme. Et l'hindouisme croit en l'âme, croit en l'atta, croit en un créateur. Il faut savoir que dans l'hindouisme, il y a 3 dieux. Il y a Brahma, qui est le dieu créateur, il y a Vishnu, qui est le dieu qui maintient les choses, et il y a Siwa, qui est le dieu destructeur. Et les gens croyaient en tout cela. Mais ce n'était que de l'imagination, ce n'était pas la réalité. Le Bouddha, par contre, a médité et il a compris la réalité. Il savait donc que ce serait très difficile à faire accepter par les autres, qui croyaient tous dans l'hindouisme. Ce n'est pas comme à notre époque. Vous, par exemple, vous êtes intéressé par l'enseignement du Bouddha parce que vous avez une certaine culture, une certaine formation, et vous êtes curieux de comprendre les choses. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Le Bouddha réfléchit alors à qui enseigner, qui est capable de comprendre ce qu'il a lui-même réalisé. Il s'est alors tourné vers ses 5 premiers compagnons, ceux qui lui avaient servi d'intendant pendant les 6 ans de méditation. À l'âge de 35 ans, Siddhartha devint un Bouddha. Il réalisa qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient capables d'accepter la théorie de anatta, l'absence d'une âme, l'absence d'un ego permanent, l'absence d'anatta. Il faut également savoir que quelque temps plus tard, Jésus allait apparaître. Dans le christianisme, on parle de Dieu, du Dieu créateur, et on croit en l'âme. Dans l'hindouisme également, on croit en un Dieu créateur, on croit en l'âme. Il y a eu également Mohammed, qui est né à la Mecque quelque temps plus tard, et qui à 40 ans s'est mis à enseigner l'islam, et là également, on parle d'un Dieu créateur et d'une âme. Tout ceci était donc radicalement différent de ce qu'enseignait le Bouddha. La base peut peut-être être la même, toutes les religions ont le même fondement, il s'agit de respecter les préceptes moraux, il s'agit d'être généreux, de pratiquer l'amour bienveillant, la compassion, d'aider les autres, etc. Tout cela est plus ou moins identique dans toutes les religions. Mais pour ce qui est de l'essence de ces religions, là, ça diffère totalement du bouddhisme. Dans l'enseignement du Bouddha, nous ne dépendons pas des autres, nous ne dépendons que de nous-mêmes. Si on désire apprendre quelque chose, on se rend chez un professeur qui va nous donner les instructions, la méthode, mais c'est à nous d'apprendre. Dans la méditation également, nous recevons les instructions, mais c'est à nous de pratiquer. Le Bouddha s'était rendu compte que les personnes qui sont très attachées à leurs idées, à leurs opinions, à leurs croyances, ne pourront pas facilement les abandonner et adhérer à ce qu'il annonce. C'est pourquoi il s'est tourné vers ses 5 premiers compagnons, ses 5 disciples, et c'est à eux que, 2 mois après son illumination, il délivra son premier sermon, que vous connaissez, le Dhammacakkappavattana Sutta. Dans le Sutta, donc le premier sermon du Bouddha, il est question de la voie du milieu, le chemin du milieu, il est question des 4 nobles vérités, il est question de l'octuple sentier. Le Bouddha s'adressa donc à ses 5 compagnons, ses 5 premiers disciples, qui étaient des êtres humains tout comme nous. Il leur donna la méthode pour réussir à comprendre par eux-mêmes. À la fin du sermon, un seul des 5 disciples, Kondinya, atteignit le stade de Sotapanna, le premier stade d'éveil. Donc, Kondinya, un des 5 disciples, atteignit l'illumination à la fin du sermon que le Bouddha venait de délivrer. Il avait donc éliminé toute forme de doute dans le Dhamma. Le deuxième jour, un autre des 5 disciples atteignit lui aussi le stade de Sotapanna. Le troisième jour, un autre disciple atteignit lui aussi ce même stade de Sotapanna. Le quatrième jour, c'était un jour de pleine lune, un quatrième disciple atteignit lui aussi le stade de Sotapanna. Et le cinquième jour, le plus jeune des disciples, qui s'appelait Asaji, atteignit lui aussi le stade de Sotapanna. On voit donc qu'il aura fallu à Kondinya un seul jour pour atteindre le stade de Sotapanna. Au deuxième compagnon, il aura fallu 2 jours. Au troisième, 3 jours. Au quatrième, 4 jours. Et au cinquième, 5 jours pour atteindre le stade de Sotapanna. Le sixième jour, le Bouddha délivra un deuxième sermon, l'Anattalakkhana Sutta. C'est un sermon dans lequel il parle donc de l'absence d'une âme, d'une entité permanente, le non-soi. Il a expliqué dans ce sermon que les personnes qui croient en l'atta croient en des choses imaginaires. À la fin de l'Anatta Lakkhana Sutta, les cinq disciples atteignirent l'état d'arhat. À la fin de l'Anatta Lakkhana Sutta, les cinq disciples atteignirent l'état d'arhat, donc le dernier stade d'illumination. À ce stade, il n'y a plus aucune trace d'impureté dans l'esprit. Toutes ces choses ont disparu. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de somnolence, d'agitation. Tout cela a totalement disparu. Cette personne est devenue un être parfaitement noble. Sayadaw explique donc qu'il aura fallu 6 ans au Bouddha pour atteindre l'illumination parfaite. Mais aux cinq disciples, il n'aura fallu que 6 jours. Alors comment expliquer cela? Les cinq disciples étaient-ils plus intelligents, plus doués que le Bouddha? Ils ont travaillé 6 ans avec le Bouddha aussi. Donc pour en revenir à la réponse d'Henri qui disait que les 5 compagnons du Bouddha avaient pratiqué 6 ans avec lui, Sayadaw explique qu'en fait ce n'était pas vraiment le cas parce que les 5 disciples, les 5 compagnons servaient le Bouddha. C'est un petit peu comme ici, il y a des intendants, des bénévoles à la cuisine qui préparent les repas, qui font toute l'intendance, mais ces personnes ne font que l'intendance, ils ne méditent pas. Hein? Donc il faut faire la différence. Les 5 compagnons du Bouddha étaient là pour le servir, pas pour pratiquer avec lui. Alors, si le Bouddha a mis 6 ans à réaliser l'illumination, c'est parce qu'il n'avait pas de professeur. Il a dû tout trouver par lui-même. Il a pratiqué toutes sortes de choses au cours de ces 6 ans et s'est souvent trompé de méthode. Il a testé toutes sortes de méthodes. Il a pratiqué les austérités, les mortifications. Il s'est privé de nourriture au point de presque en mourir. Et donc, il a checké sa propre pratique et il a constaté qu'elle n'était pas équilibrée. Trop de luxe, trop de confort ne mène pas à l'illumination, mais trop peu de luxe, trop peu de confort ne mène pas non plus à l'illumination. Le premier extrême, il l'a vécu lorsqu'il était au palais de son père, il a eu accès à tous les plaisirs, toutes les facilités. Le deuxième extrême, il l'a pratiqué pendant ses 6 ans, lorsqu'il s'est mortifié lui-même. Il s'est donc rendu compte qu'il s'était trompé, que ce n'était pas la bonne méthode, et il a découvert alors la voie du milieu. Il faut savoir que de nos jours aussi, les méditants se trompent parfois de méthode, et à l'époque du Bouddha, c'était le cas également. Il y avait énormément de pratiquants, énormément de méthodes, et les gens étaient un peu en rivalité les uns avec les autres. Ils essayaient de se mortifier plus que le voisin pour se persuader qu'ils étaient meilleurs, etc. Et ils attrapaient un ego très développé. Et ceci, c'était l'indice, bien sûr, qu'ils ne se trouvaient pas dans la bonne pratique. Par contre, la pratique du Dhamma va amener moins de pollution mentale. Le pratiquant va se débarrasser petit à petit de toutes ces pollutions. Il est sur la bonne voie. Après 6 ans de pratique, le Bouddha a donc abandonné ses extrêmes, il a découvert la voie du milieu, et donc cette voie du milieu lui a permis d'atteindre l'illumination. Il a atteint l'illumination, il a offert à ses 5 compagnons la méthode qui allait leur permettre d'atteindre l'illumination eux-mêmes. C'est un petit peu comme si on voulait se rendre à Paris, si on n'a pas quelqu'un qui nous indique la route ou un plan, ce sera très difficile. Par contre, si on reçoit un plan, ou bien si on a à côté de soi quelqu'un qui peut nous guider, ça ira beaucoup plus facilement. Le Bouddha est mort à 80 ans, il a atteint l'illumination à 35 ans, et donc il a enseigné pendant 45 ans, et son enseignement est appelé le Dhamma. Tous ces enseignements du Bouddha ont été compilés et reconfirmés lors des conciles successifs. Il y en a eu 6 au total, et le 4e et le 6e ont eu lieu au Myanmar. C'est pourquoi le Dhamma est resté très clair. Le Dhamma est enseigné de génération en génération par la Sangha. La Sangha, c'est donc la communauté des moines. La communauté des moines, les moines reçoivent les instructions et reçoivent le Dhamma de leurs professeurs, et ils vont eux-mêmes le transmettre à leurs disciples, et ainsi de suite. C'est de cette façon que le Dhamma du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, s'est maintenu vivant jusqu'à nos jours. Et il est encore toujours très clair. Pour toutes ces instructions que donnent les moines, il se base sur le canon Pali. Ne perdez donc pas votre temps lorsque vous participez à une retraite comme celle-ci. Essayez de bien entendre, de bien écouter les instructions, de façon à pouvoir développer votre concentration, et lorsque votre concentration sera devenue forte, vous pourrez comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Essayez de développer donc votre esprit, d'apprendre à le contrôler, la concentration va se développer, et vous comprendrez la vie, vous atteindrez l'illumination. So wish you all, may you all be able to manage to control your mind, to build up the strong concentration, to understand about our life, to get enlightenment. Sadhu, sadhu, sadhu.